Chapitre 9e. Nous tenions George. Il ne nous restait plus qu'à le mettre au travail. Bien entendu, il rechigna, cela va sans dire. Il avait eu une dure journée à sa banque, prétendait-il. Harris, qui n'est pas précisément un tendre, lui répondit. « Eh bien, pour changer, tu vas avoir une dure journée sur la rivière. Le changement n'a jamais fait de mal à personne. À ton tour, c'est à toi de aller. » En toute conscience, pas même la sienne, George ne pouvait refuser. Il suggéra malgré tout qu'il vaudrait peut-être mieux pour lui de rester dans le canot afin de préparer le thé, pendant que Harris et moi nous allerions, parce que la préparation du thé est une besogne pénible et que Harris et moi paraissions fatigués. Pour toute réponse, nous lui lançâmes la cordelle de halage, il la prit et sauta sur la berge. Une cordelle de halage est une chose étrange, au comportement inexplicable. Vous l'enroulez avec toute la patience et le soin que vous mettriez à plier un pantalon neuf, et 5 minutes plus tard, quand vous la ramassez, elle n'est plus qu'un fouillis désespérant. Sans vouloir vous offenser, je crois fermement que si vous preniez une cordelle au hasard, l'étendiez bien droite au milieu d'un champ et lui tourniez le dos pendant 30 secondes, vous découvririez, en la regardant de nouveau, qu'elle s'est mise en pelote, entortillée sur elle-même, nouée de toutes parts, qu'elle a perdu ses deux bouts et qu'elle n'est plus qu'un embrouillamini mini de boucles et de nœuds. Il vous faudrait alors une bonne demi-heure, assis là sur l'herbe et jurant tout le temps pour la désembrouiller. Telle est mon opinion sur les cordelles de halage en général. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions dignes de respect, je ne le nie pas. Il existe peut-être des cordelles qui font honneur à leur fonction. De bonnes et consciencieuses cordelles, des cordelles qui ne se prennent pas pour des ouvrages au crochet et qui n'essaient pas de tricoter des têtières de divan dès l'instant où on les laisse à elles-mêmes. Il se peut, dis-je, que ces cordelles-là existent. Je le souhaite sincèrement, mais je n'en ai encore pas vu. Quant à celles qui nous concernent, je m'en étais occupé moi-même juste avant d'arriver à l'écluse. Je n'avais pas permis à Harris d'y toucher, il est si maladroit. Je l'avais enroulée sur elle-même avec lenteur et prudence, nouée au milieu, pliée en deux et déposée délicatement au fond du canot. Harris l'avait soulevée avec méthode et passée à George. George s'en était emparé d'une main ferme et avait entrepris de la dérouler comme s'il eût démailloté un enfant nouveau-né. Il n'en avait pas fait d'effet 10 mètres que la chose présentait l'aspect d'un paillasson en mauvais état. C'est toujours pareil, et la scène qui s'ensuit est elle-même invariable. Le type sur la berge qui s'escrime avec le cordage croit que c'est la faute de celui qui l'a enroulé. Et quand on croit quelque chose sur la Tamise, on ne se gêne pas pour le dire. « Mais qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette cordelle, un filet de pêche ? Eh bien, c'est du propre. Tu ne pouvais donc pas l'enrouler correctement, espèce d'empoté ? » grommelle-t-il de temps à autre, tout en se démenant comme un diable avec le cordage qu'il finit par étaler à plat sur le chemin du halage, s'efforçant d'en trouver le bout. Dans le canot, celui qui a enroulé la cordelle pense que tout est à la faute de celui qui l'a déroulée. « Comment ? Elle était très bien quand tu l'as prise » s'écrie-t-il indigné. « Où as-tu la tête ? Tu manies ça n'importe comment, tu fais des nœuds avec tes propres jambes. » Ils se mettent si en colère l'un l'autre qu'ils en arrivent à souhaiter se passer réciproquement cette fichue cordelle autour du cou. 10 minutes s'écoulent, et le premier équipier pousse un hurlement, trépigne sur le cordage, en empoigne un bout et tire dessus dans l'espoir d'en finir, mais n'aboutit naturellement qu'à l'embrouiller davantage. Alors le second équipier descend du canot pour l'aider, et ils ne parviennent qu'à se gêner mutuellement. Ils s'emparent du même bout de cordage, tirent dessus en sens opposé, et s'étonnent de rencontrer une résistance. Ils arriveront tout de même au bout de leur peine et se redresseront pour souffler, et découvrir que leur canot parti à la dérive file droit sur le barrage. J'étais un jour le témoin d'une aventure de ce genre. C'était au-dessus de Beauvenay par un matin assez venteux. Nous descendions le courant, quand passait la courbe, nous remarquâmes sur la berge 2 canotiers. Ils se regardaient l'un l'autre avec une expression de stupeur et de désolation comme jamais je n'en avais vu, et ne devais jamais plus en revoir sur un visage humain. Ils tenaient chacun par une extrémité une longue cordelle de halage. Il était clair qu'ils avaient des ennuis, lesquels nous nous arrêtâmes pour le leur demander. « C'est notre canot qui a fichu le camp !» s'écrièrent-ils avec colère. « On venait juste de débrouiller la cordelle de halage et quand on s'est retourné, il avait disparu !» Ils semblaient révoltés par la conduite honteusement ingrate de leur canot. Nous retrouvâmes le fugitif, retenu par de hautes herbes, 800 mètres plus loin, et le ramenâmes à ses propriétaires. Je parie qu'ils ne lui auront pas donné une autre occasion de leur fausser compagnie pendant au moins une semaine. Je n'oublierai jamais le tableau de ces deux canotiers arpentant la berge avec leurs cordes et la halage à la recherche de leur bateau. Il n'est pas rare d'assister sous la haute Tamise à de ces incidents désopilants qui ont le halage pour cause. L'un des plus banals est le spectacle d'une paire de haleurs qui, plongés dans une discussion animée, marchent d'un bon pas tandis que l'équipier resté dans le canot à 100 mètres derrière eux leur hurle en vain d'arrêter et fait avec un aviron de frénétiques signaux de détresse. Il a eu des ennuis, le gouvernail s'est détaché, ou la gaffe a glissé par-dessus bord, ou son chapeau est tombé à l'eau et le courant l'entraîne. Il leur crie d'arrêter, en toute politesse et amabilité d'abord. « Hé, arrêtez une minute, voulez-vous » lance-t-il gaiement. « J'ai laissé tomber mon chapeau. » Puis « Tom, Dick, vous êtes sourd !» reprend-il, un ton plus haut et déjà nettement moins affable. « Enfin !»« Hé là, non, non, arrêtez-vous, mais arrêtez-vous, bande de crétins, espèce de... » Après quoi il se dresse comme un ressort, trépigne, devient cramoisi à force de hurler et épuise tout son vocabulaire d'injures. Sur la berge, les gosses s'arrêtent pour se moquer de lui et lui lancent des cailloux quand il passe devant eux, réduit à l'impuissance à quelques 6 kilomètres à l'heure. La plupart de ces mésaventures pourraient être évitées si les haleurs voulaient bien se souvenir qu'ils sont en train de haler et se retourner de temps à autre pour prendre des nouvelles de leur équipier. Il est toujours préférable qu'il n'y ait qu'un seul à l'heure. Lorsqu'ils sont deux, ils s'oublient à bavarder et le canot offre trop peu de résistance pour se rappeler à eux. Pour illustrer à quel point deux à l'heure peuvent se montrer distraits, George nous raconta, plus tard dans la soirée, alors que nous causions de ce sujet après le souper, une anecdote fort curieuse. Un soir, en amont de Maidenhead, lui et 3 copains, nous dit-il, remontaient le courant avec un canot lourdement chargé. Un peu au-dessus de l'église de Cookham, ils avisèrent, marchant sur le chemin de halage, un jeune homme et une jeune fille, visiblement plongés dans une conversation d'un intérêt captivant. Ils tenaient ensemble un croc de bateau auquel était amarrée une cordelle de halage qui traînait derrière eux l'extrémité dans l'eau. Nulle embarcation d'aucune sorte n'était visible. Pourtant, à un moment ou un autre, la chose était certaine, il avait dû y avoir, attaché au cordage, une barque ou un canot. Qu'en était-il advenu? Quel sombre destin avait emporté bateau et équipage? Mystère. Quel que fût l'accident, il n'avait, en tout cas, aucunement troublé les deux jeunes gens qui allaient. Ils avaient le croc, ils avaient la corde, et cela leur suffisait apparemment. George s'apprêtait à les tirer de leur rêverie quand une idée lumineuse lui traversa l'esprit, et il se ravisa. Il s'empara de la gaffe et ramena le bout de la corde qu'il noua autour du mât, tandis que ses copains rentraient les avirons et allaient s'asseoir en poupe où ils allumèrent leur pipe. C'est ainsi que ce jeune homme et cette jeune fille remorquèrent nos 4 gros fainéants et leur lourde barque jusqu'à Marlow. George nous dit que jamais il ne vit autant de consternation muette dans un seul regard. Quand parvenu à l'écluse, ce jeune couple comprit qu'il venait de haler pendant 3 kilomètres une autre embarcation que la sienne. George supposait que sans la présence apaisante de la jeune fille, le jeune homme se serait livré à des violences de langage. La demoiselle fut la première à revenir de sa surprise. Elle joignit les mains et s'écria d'une voix sans timbre « Oh, Henry !» « Où est passée ma tante ?»« Est-ce qu'ils ont retrouvé la vieille dame ?» demanda Harris. George répondit qu'il l'ignorait. Un jour, un peu au-dessus de Walton, nous fûmes témoins, George et moi, d'un autre exemple de ce dangereux défaut d'entente entre haleurs et allées. À cet endroit, le chemin de halage descend en pente douce et s'enfonce sous l'eau. Nous campions sur la berge opposée, d'où nous pouvions observer tout ce qui se passait. À un moment arriva un petit canot, tiré par un puissant cheval de trait que son cavalier, un tout jeune garçon, menait à grande allure. Dans le canot se tenaient 5 bons hommes, qui arboraient des airs rêveurs et nonchalants, en particulier l'homme de barre, franchement béat. Si le barreur serre la berge de trop près, nous allons rire, murmura George comme il passait. Il n'avait pas plutôt parlé que son vœu fut exaucé. Alors, le canot remonta le plan incliné avec un bruit qui imitait assez bien la déchirure de 40 chemises de toile. Dans un bel ensemble, deux hommes, un panier et trois avirons jaillirent de l'embarcation par tribord et s'étalèrent sur la berge. Une seconde et demie plus tard, deux autres hommes débarquaient de bâbord pour s'affaler parmi les grappins, les bois, les sacs et les bouteilles. Le cinquième occupant descendit 20 mètres plus loin, sur la tête. Le canot, allégé de ce dernier lest, fila de plus belle, et le petit gamin, hurlant à tue-tête, lança son coursier au galop. Les cinq bons hommes se redressèrent sur leur séant et se regardèrent avec stupeur. Ils mirent plusieurs secondes à comprendre ce qui leur était arrivé, et alors, de toute leur force, ils crièrent au gosse de s'arrêter. Mais celui-ci, trop occupé à mener son cheval, ne les entendit pas. Nous les vîmes s'élancer à sa poursuite et disparaître bientôt au loin. À vrai dire, leur mésaventure ne me chagrina pas. Et je souhaiterais même que tous les jeunes crétins qui se font aller de la sorte, et ils sont nombreux, connaissent le même sort. Outre le risque qu'ils courent eux-mêmes, ils constituent non seulement une gêne, mais un danger pour tout autre canot qu'ils croisent. À l'allure où ils vont, il leur est impossible de se garer des autres, et aux autres de se garer d'eux. Le ramard se prend dans votre mât et vous fait chavirer, ou bien accroche quelqu'un à bord et l'envoie à l'eau, ou encore vous balafre le visage. Le mieux, pour s'en défendre, est de garder son cap et de se tenir prêt à les repousser du bout d'un mât. De toutes les expériences ayant trait au halage, la plus passionnante est d'être remarquée par des jeunes filles. C'est une sensation dont pas un canotier ne devrait se priver. Le halage exige toujours trois demoiselles. Deux tiennent la cordelle pendant que la troisième court de ci de là en gloussant. Elles commencent d'ordinaire par se prendre les jambes dans le cordage. Elles doivent alors s'asseoir au bord du chemin pour s'en délivrer mutuellement. Puis c'est au tour de leur cou qu'elles l'enroulent, manquant s'étrangler. Elles finissent cependant par le tendre correctement et démarrent, ventre à terre, entraînant le canot à une allure des plus périlleuses. Bien entendu, au bout de 100 mètres, le souffle leur manque et elles s'arrêtent subitement. Toutes trois s'asseyent sur l'herbe en riant, et votre canot part à la dérive en plein courant et se met à tournoyer, avant même que vous ayez compris ce qui vous arrive ou pu vous emparer des avirons. Alors elle se relève, toute surprise. « Oh, regardez » s'écrie-t-elle, « le bateau qui est parti là-bas, en plein milieu !» Après cela, elle tire correctement pendant un moment, et puis l'une d'elles s'avise soudain qu'elle ferait mieux d'épingler sa jupe qui la gêne. Elle s'arrête donc à nouveau, et voilà le canot qui s'échoue. Vous vous levez d'un bond pour leur pousser, et vous leur criez de ne pas s'arrêter. « Oui, que se passe-t-il » vous demande-t-elle en retour. « Ne vous arrêtez plus » braillez-vous. « Ne plus quoi ?»« Ne vous arrêtez plus, avancez, avancez !»« Émilie, va voir ce qu'ils veulent. » Et Émilie a couru demander ce qu'il y a. « Que voulez-vous » dit-elle. « Il est arrivé quelque chose ?»« Non. » répondez-vous, tout va bien, mais continuez d'avancer, ne vous arrêtez pas. Et pourquoi donc? Parce qu'on ne peut plus gouverner si vous vous arrêtez, il faut que le canot garde toujours un peu d'air. Un peu de quoi? Un peu d'air, de l'allure. Il vous faut maintenir le canot à la même vitesse. Ah, très bien, je vais le leur dire. Est-ce que nous nous en tirons comme il faut? Oui, parfaitement, mais de grâce, ne vous arrêtez plus. Ce n'est pas difficile du tout de aller. Je croyais que c'était bien plus compliqué. « Oh non, c'est assez simple. Il suffit de maintenir l'allure. »« Je comprends. Passez-moi donc mon châle rouge qui est sous le coussin. » Vous trouvez le châle et le lui tendez. Sa compagne arrive alors et désire elle aussi le sien. Elles prennent à tout hasard celui de Marie, mais Marie n'en veut pas et elle le rapporte pour demander en échange un peigne de poche. Il se passe bien 20 minutes avant qu'elles ne repartent, mais au premier tournant, elles aperçoivent une vache et vous devez débarquer pour chasser le paisible animal de leur chemin. Non, vraiment, on ne s'ennuie jamais dans un canot quand ce sont des jeunes filles qui le halent. Au bout d'un moment, George finit par débrouiller la cordelle et nous alla s'enfaiblir jusqu'à Penton Hook. Nous discutâmes alors de l'importante question du campement. Nous avions décidé de coucher à bord cette nuit-là et avions le choix de rester où nous étions ou bien de continuer jusqu'à Prestaines. Il nous semblait cependant trop tôt pour songer à nous arrêter, car le soleil était encore haut dans le ciel. Nous décidâmes de pousser jusqu'à Runnymede, à 5 kilomètres en amont, où des bois paisibles bordent le fleuve, offrant un bon abri. Par la suite, néanmoins, nous regrettâmes tous de ne pas nous être arrêtés à Penton Hook. 5 ou 6 kilomètres à contre-courant n'est qu'un jeu, de bon matin, mais c'est un exercice pénible à la fin d'une longue journée. On ne prend plus aucun intérêt au paysage, on ne bavarde plus, on ne s'amuse plus, on tire sur l'aviron et chaque demi-kilomètre parcouru vous semble 2 fois plus long. Vous avez peine à croire que vous êtes seulement là, et vous êtes convaincu que la carte est fausse. Après avoir ramé comme un galérien sur une distance qui vous paraît d'au moins 16 kilomètres, comme l'écluse n'est toujours pas en vue, vous commencez à craindre que quelqu'un l'ait démontée et se soit enfui avec. Cela me rappelle une fois sur la Tamise, où c'est moi qui fus littéralement démonté, au sens métaphorique, s'entend. J'étais en canot avec une jeune demoiselle, ma cousine du côté maternel, et nous descendions vers Goring. Il se faisait tard, et nous avions hâte, elle, du moins, d'arriver. Nous atteignîmes l'écluse de Benson à 6h30. Le soir tombait, et ma cousine donnait des signes d'inquiétude. Elle me dit qu'on l'attendait pour souper. Je lui répondis que moi aussi, et j'examinai ma carte pour savoir à quelle distance exactement nous nous trouvions. Je vis qu'il ne nous restait plus que 2 kilomètres pour atteindre l'écluse de Wallingford, et de là, 8 autres pour arriver à Cleve. « Oh, tout va bien, dis-je. Nous aurons passé la première écluse avant 7 heures, et après, il n'y en a plus qu'une. » Et je me mis à ramer vigoureusement. Nous dépassâmes bientôt le pont, et je demandai à ma cousine si elle apercevait l'écluse. Non, elle ne voyait aucune écluse. Je fis « Ah !» et continuai de tirer sur mes avirons. 5 minutes plus tard, je la priai de regarder encore une fois. « Non, répondit-elle, je ne vois aucune trace d'écluse. » « Sauriez-vous reconnaître une écluse si vous en voyiez une, chère cousine ?» lui demandai-je avec hésitation, car je craignais de l'offenser. Toutefois, ma question ne l'offensa pas, et elle m'engagea à m'en assurer moi-même. Je reposai donc les avirons et me retournai pour jeter un coup d'œil. Le fleuve, dans le crépuscule, s'étirait tout droit sur une distance de 1500 mètres, sans l'ombre d'une écluse. « Dites, ne nous serions-nous pas égarés par hasard ?» demanda ma compagne. Cela me paraissait impossible. J'émis toutefois l'hypothèse que nous avions pu nous fourvoyer dans le courant de dérivation. Dans ce cas, nous nous dirigeons vers les chutes. Cette perspective n'était pas de nature à la rassurer, et elle se mit à pleurer. Elle prédit que nous allions nous noyer, et que ce serait là son châtiment d'être sorti en canot avec moi. Le châtiment me parut excessif, mais ma cousine n'était pas de cet avis, et elle espérait au moins que notre fin serait prompte. Je m'efforçai de la rassurer et de prendre l'aventure avec le sourire. Je lui dis que je n'avais pas dû ramer aussi vite que je le croyais, mais que nous ne tarderions pas à atteindre l'écluse, et je parcourus 1500 mètres de plus. Alors l'inquiétude me gagna moi aussi. Je consultai de nouveau ma carte. L'écluse de Wallingford s'y trouvait nettement indiquée à 2 kilomètres en aval de Benson. C'était une bonne carte, exacte et digne de confiance. Par ailleurs, je me rappelais parfaitement l'écluse. Je l'avais franchie 2 fois. Où étions-nous? Que nous était-il arrivé? Je finis par me dire que tout cela devait être un rêve, qu'en réalité j'étais endormi dans mon lit, que j'allais me réveiller dans 1 minute et apprendre qu'il était 10 heures passées. Je demandai à ma cousine si elle croyait que ce fût un rêve, et elle me répondit qu'elle allait justement me poser la même question. Alors le même doute nous gagna tous les deux. Dormions-nous l'un et l'autre? Et si oui, lequel des deux était le vrai personnage qui rêvait, et lequel n'était qu'un songe? Cela devenait très intéressant. Je n'en continuais pas moins de ramer, et toujours pas d'écluse en vue. Le fleuve se faisait de plus en plus sombre et mystérieux sous les ombres qui jetaient la nuit. Les choses prenaient un aspect étrange et surnaturel. Je songeais aux farfadets, aux lutins, aux feux follets, et à ces méchantes sorcières qui, la nuit, sous leurs rochers, guettent les voyageurs pour les attirer dans les tourbillons et les ténèbres. Et je regrettais de m'être mal conduit et de savoir si peu nos prières. J'en étais là de mes réflexions quand j'entendis les accords bénis de « Il les a bien eus » que jouait fort mal un accordéon et je compris que nous étions sauvés. Les accents de l'accordéon me laissent froid en règle générale, mais pour le coup, Dieu, que cette musique nous parut belle à tous les deux, infiniment plus belle que la voix d'Orphée, ou le luth d'Apollon, ou que toute autre mélopée tirée d'un instrument divin. Une mélodie céleste, dont l'état d'esprit où nous nous trouvions n'aurait eu d'autre effet que de nous inquiéter davantage. Une harmonie émouvante, parfaitement exécutée, nous l'aurions prise pour la manifestation de quelque esprit, et nous en aurions abandonné tout espoir, tandis que de l'air, il les a bien eus, exécutés sans rythme, mais avec fantaisie, sur un accordéon poussif, il y avait là quelque chose de singulièrement humain et rassurant. Les deux sons se rapprochèrent, et le bateau d'où ils provenaient nous croisa bientôt. Une bande de joyeux provinciaux s'y était entassée pour une partie de canotage au clair de lune. Il n'y avait pas de lune, mais ce n'était pas leur faute. De ma vie, je n'ai rencontré gens plus aimables, plus sympathiques. Je les hélais et leur demandai le chemin de l'écluse de Wallingford, leur expliquant que je la cherchais en vain depuis 2 heures. « L'écluse de Wallingford, » répondirent-ils. « Dieu vous bénisse, monsieur. Il n'y en a plus depuis 1 an. Elle a été supprimée. Vous n'êtes pas loin de Clive à présent. » « Eh, Bill, ça c'est la meilleure. Ce monsieur cherchait l'écluse de Wallingford. » Je n'avais jamais imaginé pareille chose. Transporté de gratitude, j'avais envie de leur sauter au cou. Mais le courant était trop fort à cet endroit-là, et je dus me contenter de simples mots de reconnaissance qui me parurent tout à fait dénués de chaleur. Nous les remerciâmes à plusieurs reprises, leur disant que la nuit était délicieuse et leur souhaitant la plus agréable des promenades. Je crois même que je les invitais à venir passer une semaine à la maison et que ma cousine leur assura que sa mère serait charmée de faire leur connaissance. Et ce fut aux accents du cœur des soldats de Faust que nous rentrâmes chez nous pour l'heure du souper.